Notre soirée se poursuit par l'affaire de la rue de l'Oursine. Vaudeville en un acte, dont nous vous donnons la distribution. Monsieur Langlumet sera interprété par Jean Carmet. Madame Langlumet par Annette Poivre. Justin le domestique par Jacques Johanneau. Potard, cousin de Langlumet, par Hubert Deschamps. Et Mistingue par Jacques Grélot. Nous sommes dans la chambre à coucher de Langlumet. Monsieur dort encore, ne le réveillons pas. Ma montre, 9 heures. Il est flâneur, monsieur. Créreux, mais ça me tient dans le cerveau. Eh bien, est-il réveillé? Pas encore, il est si flâneur, monsieur. Hein? Je vous prie de parler avec plus de respect. Oh, pardon, faut-il le prévenir que madame est là? Gardez-vous-en bien, c'est aujourd'hui sa fête à ce pauvre ami. Et je veux lui faire une surprise. Un pot de tabac garni de marilan. Martin, du marilan enveloppé dans un journal. Et je m'en offrirai une pipe. Plus ces 2 bouteilles de genièvre, sa liqueur favorite. Je m'en offrirai aussi une pipe. C'est bien, posez ça là. Comment poser ça là? Oh, pardon. Je veux au contraire les porter dans le petit salon. De cette façon, il aura une surprise en partie double, ce cher ange. Que cette femme est romanesque pour son embonpoint. Ah, Justin, on a collé hier du papier dans le cabinet de monsieur. Vous y allumerez un réchaud pour le faire sécher. Oui, madame. Vous chercherez aussi le parapluie que j'ai emprunté au cousin Potard, un parapluie vert avec une tête de singe. Sa bonne est là qui l'attend. Mais madame, il faut que je brosse les habits. Mais plus tard. Mais cependant... Vous raisonnez toujours. Je vous intime l'ordre de chercher ce parapluie, c'est clair? Oh, zut, zut, zut, zut! Elle m'embête avec son parapluie. Hein. Prenons toujours les hardes de monsieur pour les brosser. Ah, voilà son habit, son gilet, ses bottes. Oh, tiens, elles sont crottées. Hein, c'est curieux, ça. Monsieur qui n'est pas sorti hier, il est allé se coucher à 5 heures en se plaignant d'un fort mal de tête. Ben, je ne vois pas son pantalon. Mais où est donc son pantalon? Hein? Encore des bottes? Crottées? Ah, c'est curieux, ça. Et un second habit? Et un regilet? Et pas le moindre pantalon? Est-ce que les jours de migraine, monsieur Langlumet s'habillerait en écossais? Ah, il y a quelque chose. Ah, oh, crérume. Ah, j'ai oublié mon mouchoir, que je suis bête. Qu'est-ce qui sonne du corps? Oh, j'ai réveillé monsieur. Personne? Tiens, il fait grand jour. Où est donc mon pantalon? Ah! Je suis dedans. Voilà qui est particulier, je me suis couché avec. Ah, je me rappelle. Chut, madame Langlumet n'est pas là. Hier, j'ai fait mes farces. Sapristi que j'ai soif. Je suis allé au banquet annuel de l'institution Labadance, dont je fus un des élèves les plus... médiocres. La femme s'y opposait. Alors, j'ai prétexté une migraine, j'ai fait semblant de me coucher et vlan, j'ai filé ses véfours. Ah, c'était très bien. On nous a servi des garçons à la vanille avec des cravates blanches, et puis du madère, du champagne, du pommard, du... Pristi que j'ai soif. Ah, je crois bien que je me suis un peu pochardé. Moi, un homme rangé. J'avais à ma droite un notaire, pas drôle, et à ma gauche un petit fabricant de biberons qui nous en a chanté une... pensablement Darbeau. Ah oui, c'était un peu... c'était trop, quoi. Faudra que je lui demande. Par exemple, mes idées s'embrouillent complètement à partir de la salade. Ai-je mangé de la salade? Voyons donc. Non, non. Il y a une lacune dans mon existence. À ça, comment diable suis-je venu ici? J'ai un vague souvenir d'avoir été me promener du côté de l'Odéon... et je demeure rue de Provence. Était-ce bien l'Odéon? Impossible de me le rappeler. Ma lacune, toujours ma lacune. 9h30, dépêchons-nous de nous habiller. Hein? On a ronflé dans mon alcôve? Non, t'as un petit bonhomme, j'ai ramené quelqu'un sans m'en apercevoir. De quel sexe encore? Enfin, tu es levée. Ma femme. Eh bien, tu ne m'embrasses pas? Chut! pas le réveiller. Quoi ? Rien, rien. Allons faire un tour sur le boulevard. Le boulevard ? Mais tu n'es seulement pas habillé. Cette figure bouleversée. Est-ce que tu serais malade ? Oui, je t'avoue que je... Et recouche-toi, Justin ! Chut, plus bas, plus bas, plus bas. Je vais refaire ton lit. Non, non, non, non, ça va bien, ça va mieux, ça va mieux. C'était une crampe. Allons faire un tour sur le boulevard. Mais qu'est-ce qu'il a ? À propos, tu n'as pas vu le parapluie du cousin Potard, surmonté d'une tête de singe ? Le parapluie ? Non, non, non. Ah, Big, je l'ai emporté hier au banquet Labadens. Il sera resté dans ma lacune, près de l'Odéon. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Un tour de cheveux blancs ? Pâle sang bleu, monsieur ! Un tour ? Mais alors, c'est une femme. J'ai ramené une femme. Parlez, monsieur ! C'est pour toi, c'est un cadeau. Mais j'ai des cheveux. Oui, oui, mais ils tomberont, c'est pour l'avenir. Hein ? Quel est ce bruit ? Non, d'une trompe. C'est moi. C'est ma crampe. Ça vient de l'estomac. Oh, voyons, dépêche-toi de t'habiller. C'est aujourd'hui le baptême du petit Potard et nous sommes parrain et marraine. On dit que ça fait taire les ronflements. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben j'applaudis, tu me dis. Nous sommes parents et marraines, alors moi je fais bravo, bravo, bravo. Oh, en vérité, je ne sais ce que tu as aujourd'hui. Je vais achever de m'habiller, hein. Nous déjeunerons dans un quart d'heure. Madame ? Mademoiselle ? Sortez ! Un homme ! Qu'est-ce que vous demandez, monsieur ? Comment est-ce que je demande ? Mais que faites-vous là, dans mon lit ? Votre lit. Tiens, où suis-je donc, ici ? Chez moi, monsieur, rue de Provence. Rue de Provence ? Et moi qui demeure près de l'Odéon ? Voyons, partez. Non, voyons, parlez. Mais de quel droit, monsieur, me retenez-vous prisonnier ? Je trouve ça joli, par exemple. J'espère que vous allez m'expliquer comment je me trouve dans vos oreillers. Je ne vous connais pas, moi. Ni moi non plus. D'où tombe-t-il, cet animal-là ? Ça pratique, j'ai soif. Vous permettez ? Eh bien, monsieur, ne vous gênez pas. Ah, quelle idée. Pardon, jeune homme. N'auriez-vous pas banqueté hier chez Véfour ? Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait ? Alors vous êtes un Labadens ? Moi aussi ! Ah bah ! Deux Labadens, tout s'explique ! L'englumé, Oscar, l'englumé ! Ah oui ! Une grosse bête ! C'est ça, il me reconnaît ! Et moi, Mistin ! Oh, très bien ! Un piocheur ! Il me semble que j'y suis encore ! Premier prix de vers latin, l'élève Mistin de Chablis ! C'est pourtant vrai ! Et ton bête quand on est jeune ! Un prix de vers latin, il doit être dans une très bonne position, ce gaillard-là. Il est crânement meublé. Comment te portes-tu ? Pas mal. Et toi ? Ce brave Mistin. Ce brave l'englumé. C'est singulier comme il a le nez rouge. Vrai, je ne le reconnais pas du tout. Ce brave Mistin. Ce brave l'englumé. C'est drôle, quand on ne s'est pas vu depuis 27 ans et demi, on n'a presque rien à se dire. Ce brave Mistingue. Ce brave l'englumé. Mais explique-moi, comment te trouves-tu là, dans mon alcôve ? Ça, je n'en sais rien. Je ne te cacherai pas qu'à partir du turbo, j'étais dans les brins de zingue. Ça ne m'a pris qu'à la salade, moi. Mais alors, qu'avons-nous fait pendant ce laps ? On ne le saura jamais. Tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu mon parapluie, surmonté d'une tête de singe. Comme moi, mon mouchoir. Nous avons peut-être commis des atrocités. Oh, moi d'abord, j'ai le vin tendre. J'ai le falerne tendre, comme dit Horace. Horacius. Coclès. Non, Flaccus. Tu dois connaître ça, toi, un prix de vers latin. Faiblement, faiblement. Oh, ça presti que j'ai soif. Dis donc, après toi, la carafe. J'espère que nous ne nous quitterons pas comme ça, de la badinche. Tu déjeunes avec moi ? Ça va, ça va. Mais où ai-je mis la clé de la cave ? Tiens, qu'est-ce que j'ai dans ma poche ? Des noyaux de cerise. Ah bah. Et moi, des noyaux de prune. D'où vient cette plantation? Oh, ça m'intrigue. Après ça, qui est-ce qui n'a pas son petit noyau ici-bas? Merci de cette bonne parole. Comme il a le nez rouge. Oh, tiens, monsieur qui est deux. Monsieur? Que veux-tu? Je rapporte vos habits. Il a un joli domestique. Et les deux paires de bottes. Par où est-il entré, celui-là? Tu mettras trois couverts, j'ai un ami à déjeuner. Dépêche-toi. Tout de suite, monsieur. Et par où diable est-il entré ? Dis donc, je vais te présenter à ma femme, mais ne lui parle pas du banquier Labadens. Sois tranquille. Ah ça, tu dois être dans une jolie position, toi. Un prix de vers latin. Oui, oui, je n'ai pas à me plaindre. Je suis chef. De division ? Non. De bataillon ? Non, je suis chef. Chef d'une nombreuse famille ? Non, chef de cuisine. Hein, cuisinier ? Prête-moi donc tes rasoirs, je vais me faire la barbe. Ah non, merci, ils sont cassés. Cuisinier, je suis fâché de l'avoir invité. Et dépêchons-nous de déjeuner, car ce soir, je quitte la France. Comment ? Je vais dans le duché de Brunswick. Oh ! Te posséder si peu. Une place superbe, mon cher. 4000 balles et le beurre. Ah, qu'il est commun, si je pouvais le faire manger à la cuisine. Tiens, tiens. Mmh. Oh. Ah, voilà qui est particulier, là. Mes mains sont noires. Mais parbleu, un cuisinier. Mais, tiens. Oh, les miennes aussi. Oh, d'où diable cela peut-il venir ? Du charbon dans ma poche ? Du charbon. Tout à l'heure, c'était les noyaux. Mais, moi aussi. Moi aussi du charbon. Est-ce que nous aurions fraternisé cette nuit avec des charbonniers ? Foustra de la Catarina. Eh bien. Oh, quel est ce monsieur ? C'est un notaire. Ah. Superbe femme. Présente-moi. Oui. Ma bonne amie, je te présente... L'élève mistingue né à Chablis. Et chef. D'une nombreuse famille, tais-toi donc. Monsieur. Madame. Le déjeuner est servi. Allons à table, la table. Comment à table? Est-ce que tu l'as invité? Mais que veux-tu, c'est un labadon, son ami intime. Tu prendras garde à l'argenterie. Comment, à l'argenterie? À table, à table. À table. Comme c'est agréable, recevoir un jour de baptême. Voilà une sauce complètement ratée. Hein? Ça n'est pas pour me vanter, mais quand je m'y mets... Mais tais-toi donc. T'en offrirai-je, ma louloute? Oh, merci, puisque la sauce est mauvaise. Moi, madame, je fais revenir mes oignons, j'ajoute un verre de vin blanc et je tourne pour que ça mijote. Oh, quel drôle de notaire. Justin, donnez-moi le journal. Oh, saperlotte, je l'ai prêté à la cuisinière du premier pour lire son feuilleton. Mais vous ne mangez pas, madame Louloute? Oh, il m'appelle Louloute. C'est un lapsus. Un peu d'omelette. Je n'ai pas faim. Ah, en voilà un vieux journal de 1837. Après ça, elle ne lit que les chiens écrasés, ça n'a pas de date. Eh bien, Justin, ce journal... Voici, madame. Voulez-vous de l'eau? Jamais. Je suis au régime. Ceci m'explique son nez. Oh, mon Dieu! Quel épouvantable événement! Colons. Ce matin, rue de l'Oursine, le cadavre d'une jeune charbonnière a été trouvé horriblement mutilé. Oh, c'est affreux. Je reprendrai de l'omelette. Moi aussi. On suppose que les assassins étaient au nombre de deux. Deux contre une femme, les lâches. C'est un peu salé. Trop salé. La justice est sur la trace des coupables grâce à deux pièces à conviction. Bravo, c'est bien fait. Un parapluie vert surmonté d'une tête de singe. Hein? Oh, bah juste comme celui du cousin Potard. Oh, mon Dieu. Et un mouchoir marqué J.M. Ma marque. Mes cheveux se dressent. Que les deux bandits, qui étaient en état d'ivresse... C'est bien ça. ...ont oublié près d'un sac à charbon que portait la victime. Oh. Du charbon. Oh. Oh. Mais qu'avez-vous donc? Non, madame. Une côtelette, monsieur? Merci. Je n'ai plus faim. Moi non plus. Et toi, mon ami? Moi non plus. Alors, Justin, servez le dessert. Je n'en prendrai pas. Nous n'en prendrons pas. Bon, alors le café, les liqueurs. Mille grâces, mais j'ai fini. Nous avons fini. Eh bien, mais donne-moi à boire. Non. J'ai ma crampe. Hein? Moi aussi, j'ai sa crampe. Pourquoi diable mêlent-ils leurs mains sous la table? Madame, Monsieur Potard est dans le petit salon. Mon cousin, le père de notre filleule. J'y vais. Eh bien, Mistingue. Eh bien, l'englumé. Plus de doute. C'est nous qui avons fait le coup. Je n'osais pas te le dire. C'est horrible. Moi qui ai le vin si gai. Pauvre charbonnier. Moissonné à la fleur de l'âge. À coup de parapluie. Dis donc, il faudrait peut-être nous laver les mains. Il est canaille, mais plein de présence d'esprit. Vite, de l'eau! Une brosse, du savon. Lavons nos mains et soyons bien certains d'enlever tout indice. Ne tremblons plus, car la justice, par ce moyen, ne saura rien. Tout ira bien par ce moyen, la justice ne saura rien. Entrez, cousin! Eh bien, qu'est-ce que vous faites donc là? Ben, tu vois, nous lavons les mains! Elle n'était pas loin! Oh, non, au contraire! C'est pour se distraire entre l'abadin, on fait partie de se laver! Quelle singulière figure! Je vous dérange, cousin? Du tout! À propos, et mon parapluie? Sapristi! Tenez-vous donc! Je n'y comprends rien, impossible de le retrouver! Oh, il ne peut pas se perdre, mon nom est gravé sur le manche avec mon adresse! Je suis perdu, il dira qu'il me l'a prêté! Tenez-vous donc! Tu es sorti hier au soir, mon ami! Jamais! J'invoque un alibi. Nous étions à Vaugirard. Vaugirard? Un alibi? Mais, cependant, tes bottes étaient crottées. Et je vous ai rencontré, mes gaillards. Un témoin à charge. Sapristi. Rencontré? Et où cela, s'il vous plaît? Mais dans un endroit... C'est faux! Nous tournions le dos à la rue de l'Oursine. Qui vous parle de la rue de l'Oursine? J'ai rencontré ces messieurs au théâtre de l'Odéon. Hein? Et je ne les ai pas quittés de la soirée. Pas quittés? De la soirée. Mon mari devient fou. L'englumé, habille-toi donc pour le baptême. Oh oui, je veux sortir, je veux respirer la brise, je veux baptiser le petit potard et regarder en face toute la jonque d'armerie française. Oh, mais finis donc, tu me chiffonnes. Venez, cousin, laissons-le s'habiller. Je vous montrerai la robe de baptême pour votre petit garçon. Et dépêche-toi. Il était inutile de nous laver les mains. Ben c'est fait à présent. L'Odéon. L'Odéon. L'Englumé. Mais c'est une craque. Vous savez bien qu'en été, il est fermé, l'Odéon. Hein? Et devant votre femme, je n'ai pas voulu dire ce que je savais. Quoi? Mais que savez-vous? Venez donc, cousin. Voilà. Ah, vous êtes deux fiers scélérats. Oh, deux scélérats. Il sait tout. Ses émotions me disent cela. Et moi, je ruisselle. Qu'est-ce que tu fais là? Je bois, je ne sais pas, mais quand j'ai du tintouin, ça m'étourdit. Allons, donne-moi un verre de rougie. Ça m'étourdira peut-être aussi. Avale-moi ça, c'est du velours. Et c'est du curaçao? D'Hollande. C'est doux, hein? Ça fait du bien. Ça donne du ton. Hein? Dans ma poche, un bonnet de femme à présent? Oh, et moi? Et moi, un soulier? Les dépouilles de notre victime. Il paraît que nous l'avons décoiffé. Et des chaussées? Moi, un homme rangé. Oh. Et comment faire disparaître toutes ces traces? Oh. Comment? Ah! Dans ce pot à tabac. As-tu un puits dans la maison? Les gendarmes! Non, je me suis cogné. Dieu que j'ai eu peur. Mais ce soulier... Mais fais-le disparaître. Mange-le. N'hésite pas. Non. Je vais le réduire en cendres. Où y a-t-il du feu? Là, dans cette chambre. Ah! Les gendarmes? Non. Toujours ce charbon qui reparaît sur mes mains. Comme la tache de sang de Macbeth. Sur les miennes aussi. Oh, je ne veux plus tuer de charbonnière, c'est trop salissant. Vite, de l'eau. Une broche du savon. Eh bien, es-tu prêt? Comment encore? On n'entre pas. Oh, mais ça, tu te laveras dans les mains toute la journée. Bah, j'ai aujourd'hui ma fête, alors. Oh, ta fête. Tu ne m'as seulement pas remercié de ma surprise. Quelle surprise? Ce pot de tabac, comment le trouves-tu? Le bonnet. Touche pas! Ne touche pas. Pourquoi ça? Parce qu'il pourrait s'éventer. Le tabac, c'est comme l'éther. Oh, mais il y a quelque chose. Encore une fois, dépêche-toi, on va nous attendre. Je vais chercher mon chapeau. Je cours à la préfecture demander un passeport. Dans un quart d'heure, je serai en Amérique. Bien sûr, il y a quelque chose. Cette figure renversée, quand j'ai voulu ouvrir ce pot à tabac, qu'est-ce que ça peut être? Oh, ma cousine, c'est trop! Vous avez fait des folies. Quoi donc? Une robe brodée et deux petits bonnets. Oh, ne parlons pas de ça. N'êtes-vous pas notre seul parent du côté des frottes-mouillards? C'est vrai, oui. Vous êtes si bonne pour moi. Cela m'encourage, cousine. J'ai une demande à vous faire. À moi? C'est-à-dire à votre mari. Voyons. C'est que... c'est une demande d'argent. Oui, bien, qu'est-ce que ça fait? Pendant sa grossesse, ma femme a eu des envies ruineuses. Elle ne voulait manger que du melon et des fraises. Oh, moi, j'avalais des boîtes de sardines. Ah, j'aurais préféré les sardines parce que les melons et les fraises, au mois de janvier, ça coûte cher. Mais j'avais peur que le petit n'en fût marqué. Mon filleul marqué d'un melon, quelle horreur! Bref, je dois 1500 francs à un marchand de comestibles qui me poursuit. Eh bien, il faut les payer. Nous sommes riches. Oh, cousine! À qui prêterons-nous de l'argent si ce n'est à vous, notre seul parent du côté des frottes-mouillards? Oh, que de bonté! Je n'ai jamais douté de vous, mais... Quoi? C'est votre mari, il est un peu dur à la détente, le père l'englumé. Je n'y suis pour personne! Le voici, il faut lui parler. Je vous soutiendrai. C'est aujourd'hui dimanche, la préfecture est fermée, pas de passeport, malédiction. Mon ami! Ma femme, prenons une figure de jubilation. Je suis très gai. Tant mieux! C'est le cousin Potard qui aurait une petite confidence à te faire. Le cousin Potard, mon témoin à charge. En effet, je crois que nous avons à causer Cela seul. Laisse-nous, ma bonne amie. Mais... Laisse-nous! Je m'en vais! Allez, du courage. Nous sommes seuls. Parle bas. Ah, il faut parler bas? Oui. Pourquoi ça? Eh bien, Potter, c'est atroce, n'est-ce pas? Quoi? Tu m'as vu cette nuit? Je vous ai même suivi. Ah. Vous battiez les murs et tout ce qui se trouvait devant vous, avec mon parapluie, pif, paf, pan. La malheureuse. Ah, vous allez bien quand vous vous y mettez. Je te jure que c'est la première fois que je m'y mets. Pauvre femme. Mais votre femme n'en saura rien. Oui, mais l'autre. Comment, il y en a une autre? Potter, j'ai une demande à t'adresser. Moi aussi. Tu ne voudrais pas me mettre dans la peine, n'est-ce pas? Toi, notre seul parent du côté des Frottemouillards. Parlez, cousin. Eh bien, si jamais on te demande à qui tu as prêté ton parapluie, ton sinistre parapluie... Qu'est-ce qu'il a? Réponds... Réponds que tu l'as égaré dans le chemin de fer de Versailles en allant voir jouer les eaux un dimanche. Tiens, quelle drôle d'idée. Tu m'as compris? C'est-à-dire... Merci. Il a l'air bien disposé. Cousin, à mon tour, j'ai un service à vous demander. Mais parle, tu sais bien que je n'ai rien à te refuser. C'est qu'il s'agit d'argent. Ah, il s'agit de... Il veut me faire chanter. Voyons, tu es honnête. Sois modéré. Combien? 1500 francs. Pas plus? Oh, c'est très gentil. Voilà. Oh, cousin, tant de générosité. Tenez, laissez-moi vous remercier. Oh, tu ne crains pas de m'embrasser, toi. Tu es un homme fort. Qu'est-ce qu'il a? J'entre dans votre cabinet pour écrire à mon créancier. Vous permettez? Tout. Mais tu me promets de jeter un voile épais. Sur quoi? Sur cette nuit d'horreur. Allons donc, une peccadille. Une peccadille. Ah, oh, tu es un homme fort. Soyez tranquille, je n'en parlerai à personne. Excepté à ma femme, pourtant. Ta femme? La première bavarde du quartier? Je ne peux rien lui cacher. Elle a un talent pour me tirer les vers du nez. Potard, au nom du ciel! Non, je ne pourrai pas vous tenir parole. Potard! Non, c'est impossible. Impossible? Je suis un homme perdu. Sa femme va tout raconter, le mois prochain on criera « V'là ce qui vient de paraître! Horrible assassinat commis par la bande l'englumée! Ça ne se vend qu'un sou! » Oh! Dire que si je pouvais fermer la bouche à cet homme, tout serait fini. Tout! Il est complet, l'ami de monsieur. Immonde. Il a vu tout le Geneviève. En ce moment, il fait cuire un soulier sur le grill et il pleure dessus. Où vas-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un réchaud de charbon allumé que je pars dans la bibliothèque pour sécher le papier. Un réchaud! Et Potard qui est là? Il va l'asphyxier! Il va l'asphyxier! Ce garçon la finira mal. L'englumé! L'englumé! N'entre pas! J'ai ouvert les deux fenêtres à cause de ce monsieur qui écrit. Mais pourquoi diable l'autre fait-il cuire son soulier? Il est cocasse. Il dit qu'il a massacré une charbonnière, une lourcine, et qu'il a mis son bonnet dans un pot. Ah, ce que c'est que les liqueurs! Tiens, le tabac. Monsieur n'y est pas. Je vais bourrer ma pipe. Qu'est-ce que tu fais là? Oh! Va-t'en! Oui, monsieur. Oh! Un bonnet! Silence! Ah, mon Dieu, c'était donc vrai, celui de la charbonnière, dans un pot. Comment, tu sais? Rue de l'Ursine. Misérable! Je vais t'étrangler! Au secours! Au secours! Oh, s'écrie, qu'y a-t-il? Rien, je causais avec Justin, ce brave Justin. Oh, qu'est-ce que c'est que cette note que je viens de recevoir? Tu n'as rien demandé. Non, il faut absolument qu'il se taise. Il le faut! Mais où vas-tu? Casser du sucre avec ce brave Justin! Il le faut! Casser du sucre par là? Mais les volets sont fermés. Madame, on attend pour cette petite note. Oh, je n'y comprends rien, absolument rien. Sans doute, il y a erreur. Il faut qu'on s'explique. Je vais voir. Justin! C'est fait. C'est horrible. C'est fait. Je lui ai dit, Justin, 1000 francs pour toi si tu veux te taire. Pas de réponse. 2000 francs. T'es pourtant gentil. Je ne voulais rien avoir à me reprocher. Pas de réponse. Alors je me jette à ses genoux. Il me fait pssst, pssst, pssst pour me narguer. Je m'emporte. Je m'exaspère. Je lui saute au cou. Il m'égratigne. Je serre. J'entends un rat. Miaou. C'était fait. C'est bien simple. Comme l'homme est peu. Pauvre Justin. J'avais toujours pensé que ce garçon-là finirait mal. Ah, ce que c'est que le remords, quand même. te tourne. Tout danse autour de moi, comme au banquier la badinche. Je ris comme un bossu. Moi aussi. Tu sais bien le soulier de la charbonnière. Oui, oui. C'est comique. Je l'ai mis sur le grill. Il se tortille, il se retourne et il fait couic, couic. Couic, couic. Tu sais bien, potard, le témoin charge. Couic. Bon, très bon. Et Justin. Ouais. Couic. Bon, très bon. Comme ça, il n'y a plus de témoins. Là. Absolument. Plus personne. Ah si, il y a quelqu'un. Où est-il? Toi. Et toi? C'est peut-être indélicat ce que je veux dire là. Si je supprimais l'angle lumé. Merci d'un ivraille. Si je supprimais mes stingues. Ça y est. Ça va. Ce brave mystère. Brave l'angle lumé. Un labadince, ça fait de la peine. Ça me fait de la peine. Un labadince. Oh. Cette cuillère à potage fera l'affaire. Dès que je pourrai trouver mon petit joint, une vingtaine de coups de cette grosse bûche et... Asseyons-nous, mon ami. Volontiers. Exauçons ses dernières volontés. Et lis-moi le journal. Tiens, si ça pouvait l'endormir. Tu y verras l'histoire de la malheureuse charbonnière. Bien malheureuse, en effet. Y es-tu? J'y suis. Mardi prochain, tout Paris se portera sur la place de la Concorde pour assister à l'érection de l'obélisque de Louxor. L'obélisque, qu'est-ce qu'il chante? C'est imprimé. Le monolithe sera découvert demain 24 juillet 1837. 1837. C'est un vieux journal. Il y a 20 ans. Mais alors, la charbonnière. Nous sommes innocents. Oh, mon ami. Oh, oh là là. Oh, et moi, qui allais t'assommer. Moi aussi. Ah, ça va mieux. Oh. Ah, ça me dégrise. Oh, sapristi. Et les deux autres? Car tu sais, j'ai tous deux hommes. Oh, mais je n'en suis pas, tout là. Monsieur, madame fait demander si... Hein? Tu n'es pas mort? Ah, par exemple. Brave garçon, tiens. Tiens, voilà 100 sous pour toi. Vous n'en êtes pas mort? Reste un. Cousin, je vous remercie. L'autre? Tu n'es pas mort? Comment? Bon jeune homme, tiens, voilà 100 sous pour toi. 100 sous? Reste à zéro. Toi, Prestige, je veux mal à la tête. Mais qui donc était là, là, dans ce cabinet? Qu'est-ce qu'il y a? Moumoute, ma chatte, que je viens de trouver sans connaissance. La chatte, un chatricide. Oh, monsieur, je ne vous le pardonnerai jamais. Surtout après ce que je viens d'apprendre. Quoi donc? Où avez-vous passé la nuit, monsieur? Ah, ça, je ne serais pas fâché de le savoir. Mistingue non plus. Tiens, où est-il donc? Eh bien, je vais vous le dire. Vous vous êtes roulé dans l'orgie chez des licoristes de bas étage. Quoi? Chez la mère Moreau. Oh, oh, où est-elle niée? Voici la note de vos déportements. 3 beaux coups de cerise à l'eau de vie, 2 idems de prume. Oh, les noyaux. Plus un bonnet de femme, un soulier du même sexe et un tour de cheveux appartenant à la demoiselle de comptoir. Ah, je comprends, je comprends. Total, 64 francs. C'est chacun 32. Mistang, où diable est-il passé? Vous étiez tellement abruti par l'alcool qu'il a fallu vous emmener dans la cave à charbon. Attends, attends, mais oui, il me reste encore un morceau. Je vais t'expliquer. Oui, on nous attend pour le baptême, monsieur. Mais nous causerons ce soir. La nuit sera orageuse. Il faudra que je me fasse pardonner. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Sapristi, est-ce que j'aurais ramené un troisième labadince? C'est la mine, monsieur. Ah, Sam, il ne sortira pas de mon lit, celui-là! Donne-moi ma canne! Ou plutôt, non. Ne le réveillons pas. Justin. Monsieur. Tu vois bien ce colis. Hein? Dès que nous serons partis, tu lui colleras dans le dos une étiquette avec cette inscription. Hein? Cuisinier pour Brunswick. Fragile. Hein? Après quoi, tu le déposeras à la gare de Strasbourg. Bureau des marchandises. Les gens bien soin, c'est un labadince. Thank you. C'était l'affaire de la rue de l'Oursine, vaudeville en un acte d'Ernest Labiche, dont nous vous rappelons la distribution. Monsieur Langlumé, Jean Carmet. Madame Langlumé, Annette Poivre. Justin le domestique, Jacques Johanneau. Potard, cousin de Langlumé, Hubert Deschamps. Et Mistingue, Jacques Grélot.